Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le MAG sur Radioactive. Aujourd'hui, je vous propose une plongée dans l'univers merveilleux des contes en compagnie d'un invité qui fait voyager petits et grands grâce à son talent. Il est conteur, il vit à Amboise et il a l'art de transformer les mots en véritables aventures. Il est avec nous pour nous parler de sa passion et de son parcours. Je suis ravie d'accueillir Louis Corvin. Bonjour Louis. Bonjour Marlène. On est toujours ravis de pouvoir mettre en lumière des artistes locaux et vous, on peut dire que vous avez une double histoire avec Amboise. Pourquoi ? Parce qu'il y a celle de l'écriture, évidemment. Oui. Mais vous avez aussi un passé professionnel qui a justement énormément nourri votre activité de conteur pour enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours ? Oui, tout à fait. J'ai travaillé donc auprès d'enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et j'ai appris beaucoup de ces enfants. C'est-à-dire que dans la mesure où on sait se taire, où on sait les écouter, on apprend énormément de choses. Ce qui est important donc pour ce livre de contes, c'est que chaque conte est à l'origine d'un enfant. C'est ça. Dans le cadre de votre travail justement pour l'aide sociale à l'enfance, vous avez travaillé au village d'enfants du Vaud-de-Bonin à Amboise. Oui. Et d'ailleurs, comment s'appelle votre livre de contes ? Les contes de la rue du Vaud-de-Bonin. Eh oui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est à la demande d'une enfant qui a souhaité donc que j'écrive un livre et que je puisse le nommer, l'intituler « Les contes de la rue du Vaud-de-Bonin ». Donc j'ai respecté sa demande et j'ai écrit donc ces contes. Vous aviez un lien qui était privilégié avec ces enfants puisque vous les accompagniez dans leur vie quotidienne. On peut préciser un petit peu cet aspect-là, voilà. Oui, tout à fait. Je vais choisir, donc, en tant qu'éducateur spécialisé, le poste d'éducateur familial. Mmh. 8 jours de travail et 6 jours de repos. Mmh. Et ça me permettait d'être 24 heures sur 24 avec les enfants. D'autant plus que je remplaçais mes collègues lorsqu'ils étaient donc en congé maladie ou en congé tout court. Hein, ce qui me permettait de connaître tous les enfants, puisque j'allais donc de pavillon en pavillon. Mmh. Oui, voilà, parce que pour expliquer à nos auditeurs, un village d'enfants, c'est un lieu où on accueille les fratries, mais ils ne sont pas forcément ensemble dans les mêmes pavillons. Il y a parfois un éclatement des familles pour éviter le poids de l'histoire familiale, qui est souvent très compliquée, disons-le. Et donc, vous aviez sûrement un pavillon dédié, mais... Non, vous... je n'avais pas de pavillon dédié. D'accord, il y avait un roulement. J'avais ce poste de pouvoir tourner sur des différents pavillons en fonction des demandes. Très bien. Voilà. D'où ce lien privilégié avec tous les enfants qui étaient là. Vous avez déjà réfléchi au nombre d'enfants que vous aviez pu accompagner ? C'est une question compliquée, mais... Je n'ai pas le souvenir. Hein. Et plusieurs dizaines, sans doute. Plusieurs dizaines, oui, tout à fait. Puisque j'ai travaillé combien de temps ? Moins 10 ans au village d'enfants d'Amboise. Avant, j'avais travaillé donc, sur le village de Possé-sur-Cisse. Mm-hmm. Et puis, voilà, donc j'ai fait mes années. Alors, une chose importante, c'est que je garantissais aux enfants, puisqu'on dormait sur place, je leur garantissais la possibilité de me réveiller la nuit s'ils avaient un gros cauchemar ou un souci ou s'ils avaient quelque chose à dire de très important. Alors, au début, bien sûr, ils ont testé pour voir si c'était vrai. Donc, ils venaient à la porte de ma chambre, ils frappaient et je répondais. Donc, ils ont pu vérifier que c'était vrai. Mmh. Et par la suite, lorsqu'ils me réveillaient, c'était vraiment parce qu'ils avaient quelque chose à dire de très très important. Et ça, c'était vraiment fondamental. Et c'est sûrement ce qui a pu inspirer sans doute plusieurs contes que l'on retrouve dans votre ouvrage. Alors, tous les contes que vous écrivez vous ont été inspirés, on le comprend, par les enfants. Mais il y a des petites anecdotes aussi d'injonctions, entre guillemets, d'enfants qui vous disaient « Louis ». J'aimerais que tu écrives sur un livre, que le thème du conte soit un livre. Oui, oui, oui. Alors ça, c'était avec une enfant de 8 ans qui était très brillante, avec un QI très élevé, je pense. Et un jour, nous faisons donc une partie de dames, nous jouons. Donc elle pousse son pion, je pousse le mien, elle repousse un pion, j'en pousse encore un autre. Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait là ? C'est du n'importe quoi. Je dis, ah bon, donc je reprends mon pion, j'en pousse un autre, elle en pousse un autre, j'en pousse encore un autre, et elle me dit vraiment, là, tu te moques de moi, c'est du n'importe quoi. Elle prend le damier et le jette avec tous les pions. Oui. Et oui, elle est surprenante. Mmh. Suite à ça, elle me dit, bon, on ne va pas laisser tout ça par terre. Ben, je dis non, ça, on ne va pas les laisser par terre, on va ramasser. Donc, on ramasse les pions, le damier, on remet tout en place. Et elle me dit, tu as une dette. Je dis, comment ça, j'ai une dette? Elle me dit, oui, tu as perdu, tu as fait n'importe quoi, donc tu as une dette, il faut que tu te rattrapes. Je dis, bon, je ne vois pas comment on peut faire ça. Elle me dit, un jour, lorsque tu raconteras tes histoires, je choisirai le sujet de l'histoire. Bon. Vous n'aviez pas le choix, là. C'était... Voilà, je n'avais pas le choix, mais enfin, je pouvais dire non aussi. Parce qu'il faut savoir dire non aussi aux enfants. C'est important. Mm-hmm. Et un soir d'automne, donc, on se met donc, sur le palier. On se met donc, ensemble. Il y a quatre enfants. Nous sommes assis en tailleur. Et l'enfant me dit, oui, justement... c'est la bonne soirée pour que tu me racontes l'histoire que je vais choisir. Ah bon, je dis. Elle me dit oui, raconte-nous l'histoire d'un livre. N'ayant pas bien compris ce qu'elle voulait dire par là, je vais me lever, je me lève pour aller chercher un livre et lire une histoire dans un livre. Et elle me dit non, non, non, non, non, non, pas une histoire dans un livre, l'histoire d'un livre. Et là, je me lance. Donc c'est un conte que vous découvrirez donc, petit à petit. Ce lien privilégié avec les enfants du village que vous avez accompagné pendant plusieurs années, Louis, est-ce que vous auriez des anecdotes, quelque chose qui vous a marqué à partager avec nous? Oui, alors chacun de ces contes est à l'origine d'un ou de plusieurs enfants. Mais qu'est-ce que c'est que d'être à l'origine d'un ou plusieurs enfants? Donc je vous donne un exemple. Un jour, un jeune garçon me dit « Tout ça, c'est bien joli, on parle, mais on discute, mais dis-moi, d'où vient le vent ?» Eh oui, les enfants ont des questions absolument déstabilisantes. Donc, 3 jours après, je me suis mis à ma table de travail et j'ai écrit le conte sur le vent, Éole. J'ai écrit le conte sur la naissance du vent. Et une fois écrit ce conte, je l'ai remis à cet enfant, de façon à ne pas le laisser sans réponse. Voilà l'exemple des enfants qui posent des questions impossibles ou qui ont des réflexions étonnantes sur la vie, parce que ce sont des enfants. Hmm. Voilà. Alors, Louis, comme vous le savez, puisque vous écoutez le MAG régulièrement, nous faisons une petite pause en musique à un moment donné de cette émission. Eh bien, c'est le moment. Et comme à chaque fois, je propose à mes invités de choisir un titre, alors vous, vous allez nous embarquer avec Maria Callas. Pourquoi ce choix? Maria Callas, parce que ça a été une personnalité extraordinaire, hein, très habitée donc, par tous les rôles donc, qu'elle présentait sur scène. Hein. Mmh. Et c'est une femme vraiment extraordinaire, c'est une femme de génie. Elle en a pris conscience, hein, ce qui a été difficile pour elle. Parce que être une personne de génie... et se confronter donc au grand public, c'est pas facile. Ça demande donc beaucoup d'attention, beaucoup d'efforts. Le morceau que j'ai choisi de Maria Callas est un très court extrait de la Tosca de Puccini, qui est l'un de ses derniers enregistrements. Et j'ai choisi donc cet extrait parce que on va entendre son souffle. On va entendre le souffle de sa voix, de son âme, pratiquement. Donc vous écouterez bien et vous entendrez sa respiration et son souffle. Ce qui donne donc toute la dimension donc, à ce personnage. Le souffle, c'est la vie. Et elle nous le fait entendre avec une grande, grande beauté. Une très grande beauté. On écoute Maria Callas sur ce passage de la Tosca. Oh! Maria Callas, un magnifique moment passé à écouter cet extrait de la Tosca. Un titre qu'a choisi aujourd'hui mon invité. Mon invité, c'est Louis Corvin. Il est conteur, il est amboisien, il transforme les mots en aventure. Grandement inspiré par son passif professionnel d'éducateur spécialisé auprès d'enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, donc on imagine beaucoup de situations, mais aussi beaucoup de moments remplis d'émotions qui ont inspiré ses contes. Alors, l'ouvrage de contes qui est dédié au Vaud-de-Bonnin, hein, lieu où est implanté ce village d'enfants à Amboise, combien de contes il rassemble, ce recueil ? Il y a 11 contes. 11 contes qui sont illustrés par mon épouse. Oui, alors ça c'est une partie importante parce que c'est magnifique. Oui, oui, vous l'avez consulté, oui, c'est très Beau. Oui, hein. Alors je pense qu'elle va nous écouter et vraiment, alors c'est Ursula. Hein. Oui. Ursula, je me permets de vous dire que vous avez vraiment beaucoup de talent parce qu'en fait chaque histoire est illustrée par une aquarelle qui a été justement réalisée par Ursula. Oui, tout à fait, elle l'a pensé. Lorsque j'ai rencontré ma future épouse aux Beaux-Arts de Paris, eh bien, donc, j'ai cessé de dessiner parce qu'elle est trop forte, vraiment trop forte. Donc, j'ai cessé de dessiner et de peindre et je me suis mis à l'écriture. Voilà. Ah, vous ne l'avez pas séduit grâce à vos dessins, alors ? Non, je ne l'ai pas séduit par mes dessins, non. En tous les cas, vous faites un binôme parfait parce que vous m'expliquiez, on s'est rencontrés avant cette émission, vous m'expliquiez que vous allez peut-être faire l'inverse prochainement. C'est-à-dire que là, vous écrivez des contes. Ursula s'imprègne de cet univers-là et en ressort un dessin, une aquarelle. Et que là, prochainement, c'est vous qui allez écrire un conte par rapport aux aquarelles. Oui, tout à fait. Elle a un grand nombre d'aquarelles donc, qui sont dédiées aux enfants, qui sont très, très belles et qui m'inspirent. Donc, prochainement, donc, je vais me mettre à ma table de travail. Et je vais donc écrire sur chacune de ces aquarelles. Les contes que l'on retrouve dans votre ouvrage, hein, les contes du Vaud-de-Bonnin, où est-ce qu'on peut se les procurer ? Où est-ce qu'on peut trouver justement ce recueil ? Alors, pour trouver ce recueil et pour en faire l'acquisition, donc, alors, c'est un livre qui a été écrit à compte d'auteur. Donc on ne peut pas le trouver dans toutes les librairies. À l'heure actuelle, il est en librairie chez Lu et Approuvé. À Amboise. On peut également le trouver à la boîte à livres de Tours. Mmh. Ou sinon, donc, vous pouvez en faire l'acquisition en écrivant sur votre moteur de recherche les contes de la rue du Vaud-de-Bonnin, Amazon. Voilà. Et vous pourrez l'acquérir. Très bien. Alors, une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est que vous n'écrivez pas que des contes. Non, je n'écris pas que des contes. J'écris également donc, des essais. J'en ai un qui vient de sortir, qui s'appelle « Sapeur AOD ». Je vais vous expliquer donc ce que ça veut dire. « Construire un autre monde, liberté ». J'ai écrit cet essai contre l'utilisation abusive des téléphones portables, contre ChatGPT, contre l'IA, qui font des ravages pas possibles, mais aussi je fais des propositions, parce que critiquer, c'est une... Alors, faire le constat, critiquer, c'est une chose, mais il faut faire des propositions. Et dans ce livre, je fais un certain nombre de propositions et je présente un certain nombre d'expériences où c'est un fait réel qu'on puisse se détacher donc, de ce monde. L'idée, c'est d'inciter les gens à penser par eux-mêmes. Voilà. Alors, « Sapor aude » est une phrase d'Emmanuel Kant qui veut dire ceci. « Aie le courage d'utiliser ton propre entendement » sans la direction d'autrui, c'est-à-dire pense par toi-même. Alors c'est une notion vraiment importante, c'est une notion capitale, de façon à ce que chacun d'entre nous pense par lui-même, sans être sous la tutelle des lobbies, des gouvernements ou autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut être anarchiste, non, mais vraiment penser par soi-même et agir en fonction. On est dans la notion de discernement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors ces expériences au quotidien, parce que je trouve qu'il y a un côté malicieux dans ce que vous faites, c'est-à-dire que vous provoquez des situations de manière à voir comment réagissent. Vous pouvez nous raconter par exemple l'histoire dans le train, que je trouvais assez sympa. Dans le RER. Ouais. Alors d'abord, il y a une chose qui est très importante, qu'on soit dans le train, dans le RER, dans le tram, dans le bus ou autre. La première chose qui est à faire, c'est de dire bonjour, d'une façon assez claire. Ce qui tombe sous le sens, quelque part. Ce qui tombe sous le sens. Les personnes répondent. Lorsqu'on est convaincu par notre bonjour, les personnes répondent. Alors j'ai cette expérience dans le RER à Paris. Les stations sont assez longues pour pouvoir faire l'expérience que je vais vous raconter. Donc je suis dans le RER de Paris, je ne sais plus lequel, qu'importe. Et donc les personnes sont assises et elles ont toutes leur téléphone portable à la main. Et puis elles pianotent. Alors moi je prends mon étui à lunettes et je pianote sur mon étui à lunettes. Là les personnes commencent à me regarder, sont un peu curieuses. Et la personne qui est en face de moi, je lui pose la question, connaissons-nous la couleur de nos yeux? La personne n'est pas choquée. Elle dit, moi j'ai les yeux bleus. J'ai dit, oui, effectivement. Et vous, vous avez les yeux bleus, marron, vert. Je dis, oui, effectivement. La couleur des yeux, c'est très important. Parce que lorsqu'on nomme la couleur des yeux, mutuellement, on est présent au monde à ce moment-là. Mm-hmm. On n'est pas ailleurs. Alors je prends toujours mon téléphone portable et je me suis fait un selfie. Clac. J'ouvre. Avec son étui de lunettes, toujours. Hein. Toujours. J'ouvre le boîtier de lunettes et je dis, oh, c'est pas mal. Suite à ça, je raconte ce que c'est que l'histoire de la couleur de tes yeux. Les personnes sont à l'écoute. Elles ont lâché leur téléphone portable. Elles écoutent. L'histoire de la couleur des yeux, c'est ça. Je raconte l'histoire. C'est l'histoire d'une enfant qui, avec son grand-père, un jour, se pose une drôle de question. Qu'est-ce que c'est que l'élégance? L'enfant répond, c'est dire bonjour, dire merci, dire au revoir. Le grand-père dit, oui, j'ai rien à redire, c'est bien ça. Et tous deux décident d'aller faire des courses, d'acheter des légumes sur le marché. Sur le marché d'Amboise, justement. Donc ils y vont, ils choisissent leurs légumes. Le grand-père règle les achats. Et l'enfant dit à la vendeuse, « Au revoir, madame. » La vendeuse n'entend pas. Elle est déjà accaparée donc, par un autre client. L'enfant tape du pied et fait, « Au revoir, madame. » Elle n'entend toujours pas. L'enfant fait le tour de l'étalage, s'approche de la vendeuse, sans que celle-ci ne s'en aperçoive, et lui dit, « Madame, quelle est la couleur de tes yeux ?» La femme est surprise. Elle arrête tout, elle oublie ses légumes, elle oublie ses clients. Et elle dit, j'ai les yeux bleus, n'est-ce pas? J'ai bien les yeux bleus. L'enfant lui dit, oui, tu as les yeux bleus, les yeux d'amoureuse. Mmh. Et les miens, ils sont marrons. Oui, couleur des yeux de cochon. Et suite à ça, l'enfant dit, cette phrase qui est très importante, cette histoire est vraie. Cette histoire est vraie. Dit à cette femme, maintenant que nous avons nommé la couleur de nos yeux, à cet instant même, nous sommes présents au monde. Donc voilà le texte que les personnes dans le RER ont eu, puisqu'elles m'ont demandé si j'avais donc ce texte, de façon à pouvoir le transmettre. Et voilà, donc ça voyage. Au bout d'un moment, donc on arrive à une station, deux personnes se lèvent, les personnes se disent au revoir d'une façon chaleureuse. Deux personnes viennent à s'asseoir aux places disponibles et les personnes qui sont déjà assises leur disent « Bienvenue, nous allons pouvoir parler ensemble. » Vous avez créé un moment d'échange. Absolument. Donc c'est vraiment possible. Et je pense que tout le monde est en attente de cela. Tout le monde est en attente de cela. Eh bien, ce sont de bien jolies histoires qu'on peut retrouver dans ce recueil d'essais que vous avez édité également, qu'on peut se procurer où ? Le livre d'essais, donc, on peut se le procurer dans toutes les librairies. D'accord. Il suffit de demander donc, ce titre. Il est donc écrit sous le nom de Patrick Croix. Il s'appelle « Sapeur Aoudé, construire un autre monde, liberté ». Très bien. Donc Louis, on a parlé de vos différents ouvrages, de votre parcours professionnel. Dites-moi, on a oublié des choses ? Eh bien oui. Nous avons oublié une chose, c'est que je vais maintenant vous raconter l'un de ces contes. Ah, c'est une belle surprise que vous nous faites là. Voilà, puisque nous sommes donc dans « Il était une fois ». Oui. Donc voici un conte. « Il était une fois », c'est toujours les contes. Ça commence toujours comme ça. Là, il s'agit d'une enfant et de son grand-père, une enfant qui doit avoir une dizaine d'années. Il y a une chose qu'ils adorent le plus au monde, c'est de se promener à la campagne, tous les dimanches, sans exception. Quel que soit le temps, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il y ait une tempête, qu'il y ait de l'orage, qu'il fasse très chaud, quel que soit donc le temps, il se promène dans la campagne. Au fur et à mesure donc des mois, il voit la nature changer, la nature évoluer. Au printemps, il découvre les abeilles avec les premières fleurs. L'été, des fleurs, de nouvelles fleurs. À l'automne, les feuilles qui changent de couleur et qui tombent. Et l'hiver, il découvre les animaux puisqu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Un jour d'été, il marche le long d'une prairie et l'enfant dit à son grand-père « Papy, regarde là-bas, dans la prairie, il y a quelque chose de curieux. » Le grand-père lui dit « Raconte-moi, tu sais, je ne vois plus très bien. » Eh bien, il y a au milieu de la prairie un personnage, un homme, qui est assis sur un tabouret. Dans sa main gauche, il a une palette avec des couleurs. Dans sa main droite, un pinceau. Mais il n'a pas de chevalet, pas de toile, pas de papier. « Ah oui, » dit le grand-père, « c'est curieux. » « On va le voir, » dit l'enfant, « allons le voir. » L'enfant et le grand-père donc traversent la prairie, s'approchent du peintre, et l'enfant dit « Bonjour, monsieur le peintre. » Le peintre dit « Bonjour, » mais ne se retourne pas pour les regarder. Il continue de peindre, il est très concentré. « Dis-moi, monsieur le peintre, tu es bizarre. » Toujours sans se retourner, le peintre, toujours concentré sur sa peinture, qu'on imagine, on ne sait pas ce que c'est, répond « Oh, tu sais, les peintres, les artistes, c'est toujours bizarre. » « Oui, mais toi, tu es quand même bizarre de chez bizarre. » Le peintre arrête de peindre, se retourne et voit le grand-père et l'enfant. « Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. J'étais tellement concentré que je ne vous ai pas vu. Dis-moi, tu es bizarre de chez bizarre parce que dans ta main gauche, tu as une palette avec des couleurs, dans ta main droite, un pinceau, mais tu n'as pas de chevalet, pas de toile, pas de papier. Et tu peins sur quoi alors ? Ah oui, dit le peintre, ça fait tellement longtemps. Eh bien, je peins sur le paysage. Ah oui, dit l'enfant, c'est évident, c'est évident. Mais dis-moi, comment fais-tu pour peindre les animaux ? Ils bougent tout le temps. Observe-les, tu verras, c'est pas si difficile. L'enfant ferme les yeux et se souvient qu'avec son grand-père, ils ont observé les animaux, les biches, les cerfs, les oiseaux. Et en fermant les yeux, elle se met à peindre à son tour. Elle ouvre les yeux, elle dit « Oui, c'est pas si difficile. » Et pour l'eau, comment fais-tu pour peindre l'eau ? Allonge-toi au bord de la rivière, écoute-la, elle te dira comment faire. L'enfant ferme à nouveau les yeux, se souvient qu'avec son grand-père, ils sont à l'ombre d'un saule pleureur, ils sont donc allongés au bord de la rivière, et elle se met aussi à peindre en fermant les yeux. Elle voit l'eau qui coule, elle entend l'eau qui coule, elle voit le soleil qui s'y reflète, les nuages et le ciel. Elle ouvre les yeux, elle dit « Oui, c'est pas si difficile et c'est très beau. » « Oui, c'est très beau. » « Mais vois-tu, dit le peintre, le plus difficile dans tout cela, c'est de peindre l'air. » L'enfant lui dit « C'est impossible, on ne voit pas l'air, on ne peut pas le peindre. »« Si, on peut le peindre. Comment fais-tu ? » ?»« Eh bien, c'est à la fois très difficile et très facile. » « Oui, mais ça ne me dit pas comment tu fais. » « Eh bien, c'est très difficile et très facile. Dis-moi comment tu fais, dis-moi comment tu fais. » « Eh bien, voilà. Je le peins à l'infini comme l'amour. » L'enfant se retourne vers son grand-père, le regarde dans les yeux et lui dit « Papy. » « Oui, ma petite, papy, je t'aime à l'infini. » Merci pour ce doux et joli moment que vous venez de nous proposer. Alors ce conte, il est justement extrait des contes de la rue du Vau de Bonin, puisque je l'ai moi-même lu tout à fait récemment, très joli. Eh bien écoutez, merci beaucoup Louis Corvin d'être venu partager ce moment avec nous. On rappelle que cet ouvrage, il est disponible chez Lu et Approuvé, donc dans le centre-ville d'Amboise, et puis la boîte à livres à Tours, et puis également Sapeur AOD, qui est votre autre, alors là c'est plutôt un livre d'essai, où vous incitez les lecteurs à penser par eux-mêmes. Ce qui n'est pas du luxe en ces temps. Non, ce qui n'est pas du luxe. Et celui-là est édité aux éditions Maya et il est disponible partout. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On se retrouvera bientôt sur les ondes de Radioactive parce qu'on a encore envie d'écouter de jolis contes. Avec grand plaisir. Je viendrai donc régulièrement pour vous raconter au fur et à mesure tous ces contes. Voilà. Dans la chronique, il était une fois. Merci beaucoup. C'est la fin de ce mag. Merci Louis. Merci. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. En attendant, bonne écoute de la suite des programmes sur Radioactive.